Leçon 2. Document 1, page 92. Fabrice Morel, bonjour. Quel voyage vous nous conseillez aujourd'hui ? Eh bien, d'abord un voyage organisé de 10 jours au Canada. Vous arrivez à Montréal, puis vous allez au sud pour voir les lacs. Ensuite, vous partez au nord du pays pour découvrir les forêts magnifiques. Et enfin, vous allez à Québec. Est-ce qu'on a besoin d'un visa ? Non, pas pour le Canada. Pour avoir des renseignements, adressez-vous à l'agence de voyage Grand Nord. Un autre voyage, Fabrice ? Oui, l'agence Découverte vous propose un week-end en Italie, à Venise, très romantique. Ou alors, 3 jours au Maroc, c'est très exotique. Une dernière destination ? Oui, mais pas à l'étranger, en France. L'agence Vatel vous propose un voyage gastronomique au sud de la France, de Marseille à Toulouse, pour goûter la cuisine du sud. Alors Véronique, quel voyage vous préférez ? Peut-être Venise, avec mon fiancé, mais je voudrais aussi aller aux Antilles. Vous avez des conseils ? La semaine prochaine !